الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Yahdi Meyesha, il guide celui qui il veut. Kaifa Masha, comment il veut. Waqtama Sha, et lorsqu'il veut. Fal Hidayatu tarfa'u min dhulli al-ma'siyah ila 'izz al-ta'ah. La bonne orientation fait sortir ou fait élever du déshonneur du péché vers l'honneur de l'obéissance. Wa tukhriju min ibadati ash-shaytan ila ibadati ar-rahman, et fait sortir de l'adoration du Satan vers l'adoration du Clément. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyu as-salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. ذهب جماعة من المسلمين إلى جزيرة بعد أن غرقوا. Un groupe de musulmans est parti ou a échoué sur une île après une noyade. فوجدوا رجلا يعبد صنما. Et ils ont découvert, ils ont rencontré sur l'île un homme qui adorait une idole, une statue. فقالوا له ليس هذا إله يعبد. Et on lui dit, ce n'est pas une divinité à adorer, ce n'est pas un dieu à adorer. فَقَالَ وَأَنْتُمْ مَدَ تَعْبُدُونَ. Il leur dit, et vous, qu'est-ce que vous adorez? قَالُوا Allah. Ils dirent, Allah. قَالَ الرَّجُلْ وَمَ Allah. Et l'homme leur dit, et c'est quoi Dieu, c'est quoi Allah? قَالُوا الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ. Ils ont répondu, celui dont le trône, ou celui dont son trône se trouve dans le ciel, et son royaume se trouve sur terre. قَالَ كَيْفَ عَلِمْتُمْ بِهِ. Il leur dit, et comment vous l'avez connu? قَالُوا أَرْسَلَ إِلَيْنَا هَذَا الْمَلِكُ رَسُولًا كَرِيمًا. Ils ont répondu, ce roi, ce grand roi, nous a envoyé un noble messager. قَالَ فَمَا فَعَلَ الرَّسُولُ. Il leur dit, et qu'est-ce qu'il est devenu ce messager? قَالُوا أَدَّ الرِّسَالَةَ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ. Ils ont répondu, il a bien transmis le message, et après Dieu l'a pris vers lui. قَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرَكَ عِنْدَكُمْ عَلَامَةَ. L'homme, adorateur de l'idole, leur dit, et ce messager, est-ce qu'il a laissé avec vous, chez vous, un signe? قالوا ترك عندنا كتاب الملك. Ils ont répondu, il a laissé auprès de nous le livre du roi. قال الرجل اقرأوا علي كلام الملك. L'homme leur dit, lisez, récitez pour moi la parole du roi. فقرأوا عليه سورة من القرآن. Et ils ont récité devant lui un chapitre coranique. فبكى الرجل min bidayatiha ila nihayatiha. Et l'homme a pleuré depuis le début jusqu'à la fin du chapitre coranique. Thumma qala ma yanbaghi li sahibi hadha al-kalam an yu'sa. Et il a dit après la suite, il n'est pas souhaitable pour celui qui a dit ces paroles d'être désobéi. Thumma, et par la suite, il a prononcé la shahada, il a embrassé l'islam. Thumma aslam. فَأَخَذُوهُ مَعَهُمْ مِنَ الْجَزِيرَةِ. Et les musulmans l'ont pris par la suite avec eux, c'est-à-dire il a quitté l'île. وَعَلَّمُوهُ دِينَ الْإِسْلَامِ. Ils lui ont appris la religion d'islam. وَصُورًا مِنَ الْقُرْآنِ. Et quelques chapitres coraniques. فَلَمَّ جَاءَ اللَّيْلِ أَرَادُ النَّوْمِ. À la tombée de la nuit, les musulmans ont voulu dormir. فَقَالَ لَهُمُ الرَّجُلِ. Et l'homme, adorateur, ex-adorateur du sanam ou de l'idole, leur dit, هَلْ رَبُّكُمْ يَنَمْ فِي اللَّيْلِ. Est-ce que votre Seigneur dort-il le soir? قَالُوا لَا هُوَ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا يَنَامِ. Ils ont répondu, non, c'est lui le Tout-Puissant qui dort jamais. فَقَالَ لَهُمْ. Et à ce moment-là, l'homme leur dit, بِئْسَ الْعَبِيدُ أَنْتُمْ. Sûr et certain, vous êtes des mauvais serviteurs. تَنَامُونَ وَمَوْلَاكُمْ لَا يَنَامُ وَمَوْلَاكُمْ قَائِمُ. Vous allez dormir et votre Seigneur est éveillé. فلما وصلوا إلى مدينتهم صدر lui il a adoré Dieu pendant la nuit فلما وصلوا إلى مدينتهم lorsqu'ils sont arrivés à leur ville أعطوه مالا هو ليس عنده مال المدينة à l'arrivée lui ont donné un peu d'argent فرفضه et il a refusé l'argent وقال لا إله إلا الله et il leur a dit il n'y a aucune divinité à part Allah كنت في الجزيرة وحدي أعبد صنما من دونه فما ضيعني ربي j'étais sur l'île seul à adorer l'idole en dehors de Dieu et mon Seigneur ne m'a pas négligé c'est-à-dire il me donnait ma subsistance malgré que je l'adorais pas فلما عبدته فهل سيضيعني ربي et lorsque maintenant je l'adore va-t-il me négliger c'est-à-dire mon Seigneur وبعد أيام أتاه ملك الموت et après quelques jours après quelques semaines l'ange de la mort est venu vers cet homme pour prendre son âme فقالوا له هل لك حاجة هل لك من حاجة et les musulmans autour de lui lui ont dit as-tu besoin de quelque chose قال il a répondu قضى حوائجي كلها من جاء بكم إلى جزيرتي celui qui vous a ramené vers mon île a satisfait tous mes besoins ثم مات et après il a rendu l'âme رغم أنه يعيش وحده malgré qu'il vivait seul لما أحبه الله lorsque Dieu l'a aimé أرسل إليه من يهدي Dieu lui a envoyé ceux qui vont le guider vers l'islam قبل موته avant sa mort وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الأمين et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique قال صلى الله عليه وسلم il dit prière et salut sur lui الندم توبة le regret est un repentir رواه الإمام الحاكم rapporté par l'imam الحاكم سيدي أمير الأنبياء maître émir des prophètes sallallahu alayka adada nujum as-sama que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel wa rimal as-sahra et au nom des sables du désert wa awlad adama wa hawa et au nom de la descendance d'Adam et Ève amma ba'd ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi al-islam après cela mes frères mes sœurs en islam ahbab al-habib Muhammad al-Mustafa très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa alayhi afdal as-salati wa azka as-salam pour lequel on souhaite les meilleurs prières et les hautes salutations. استعمل الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم عدة مرات أسلوب القصص. Dieu le Très-Haut a utilisé pendant plusieurs fois dans le Saint-Coran le style des récits ou l'utilisation des récits, des histoires. وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين قصة يوسف عليه السلام et il a raconté à son prophète prière et salut sur lui et aux musulmans l'histoire ou le récit de Joseph prière et salut sur lui قال تعالى في بداية سورة يوسف Dieu le Très-Haut a dit au début de l'histoire ou du chapitre de Joseph نحن الله نحن نقص عليك أحسن القصص nous te rapportons nous-mêmes les meilleurs récits وقال الله في آخر سورة يوسف et Dieu a dit à la fin de l'histoire ou du chapitre de Joseph لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الذين عندهم عقول سيفكرون ويأخذون الدروس من القصة ce fut effectivement dans leur histoire une leçon pour les gens doués d'intelligence وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في آية من سورة الأعراف et Dieu le Très-Haut a donné cet ordre à son prophète prière et salut sur lui فقصص القصص لعلهم يتفكرون فالقصص طريق للفكرة فقصص القصص لعلهم يتفكرون raconte leur les récits peut-être méditeront-ils فالقصة أسلوب من أساليب التعليم والتربية donc l'histoire le récit est un moyen parmi les moyens d'éducation et d'enseignement وأحب اليوم أن أحكي لكم قصة جميلة معاصرة et j'aime aujourd'hui vous raconter une histoire contemporaine et belle رواها عدة مرات أحد الدعاة إلى الله تعالى وتبارك qui a été raconté à plusieurs reprises par l'un des prédicateurs, الشيخ خالد الراشد. القصة تتكلم عن رجل عاص لله. Cette histoire parle d'un homme pécheur, désobéissant à Dieu subhanahu wa ta'ala, اسمه راشد, qui s'appelait راشد. في الثلاثين من عمره, il avait l'âge de 30 ans. كان يسهر كثيرا مع أصحابه. Il passait beaucoup, il faisait plusieurs soirées avec ses amis. Saharat mali'a bil kalam al-farigh, des soirées pleines de paroles vides de contenu, al-ghaiba wa al-namima wa al-ta'liqat al-muharrama, des soirées pleines de médisances et de commentaires interdits. Wa kana Rashid huwa alladhi yudhik an-nas fi as-sahra, et c'était Rashid lui-même qui animait, qui faisait rire pendant les soirées. ويترك زوجته وحدها, il laissait derrière lui sa femme seule dans la maison. وكانت حاملا, sa femme était enceinte. في شهرها التاسع, à son neuvième mois de grossesse. في إحدى الليالي أضحك أصحابه كثيرا, pendant une de ces nuits il a fait bien rire ses amis. كانت له قدرة كبيرة على التقليد, il avait une grande capacité à imiter les autres. فيغير صوته حتى يصير مثل صوت الشخص الذي يريد أن يسخر منه. Il avait la capacité de changer totalement sa voix jusqu'au point que sa voix ressemble à la personne envers laquelle il voulait se moquer. وكان يسخر من كل الناس حتى من بين أصحابه, et il se moquait de tout le monde, même de ses proches amis. وفي تلك الليلة, pendant cette nuit, سخر من أعمى رآه يتسول في السوق, pendant cette nuit il s'est moqué d'un aveugle qu'il a repéré en train de mendier dans le marché. ثم وضع راشد قدمه أمام الأعمى فأسقطه, et par la suite Rashid a placé son pied juste devant l'aveugle et il l'a fait tomber. وبدأ الأعمى يلتفت برأسه ولا يدري ما يقول, et l'aveugle a commencé à tourner la tête à gauche et à droite sans savoir quoi dire. وأطلق راشد ضحكاته عالية في السوق, et Rashid a lancé ses rires haut dans le marché. عاد راشد il a veillé متأخراً كالعادة, et Rashid, comme d'habitude, il est revenu pendant cette soirée, en étant en retard vers sa maison. وجد زوجته في انتظاره, il a trouvé sa femme, il a rencontré sa femme en train de l'attendre. كانت المسكينة في حالة يرثى لها, la pauvre était dans un état pitoyable. قالت بصوت ضعيف, elle a dit avec une voix faible, elle pouvait même pas parler, Rashid, aïna kunt, Rashid, où étais-tu? فأجاب بسخرية, il a répondu avec une grande moquerie, في المريخ, sur la planète Mars. عند أصحابي بالطبع, j'étais chez mes amis, bien sûr. فقالت له زوجته, et sa femme lui dit, ودموعها تخنقها, elle ne pouvait même pas parler à cause de ses larmes, Rashid, أنا تعبان جدا. Rashid, je suis très fatigué. الظاهر أن موعد ولادتي صار قريبا, apparemment le moment de mon accouchement est devenu tout proche. سقطت دموعها بصمت على خديها, ses larmes ont coulé dans un grand silence sur ses joues. أحس راشد أنه أهمل زوجته, et Rashid dernièrement a ressenti, a compris qu'il a trop négligé sa femme. وقال في نفسه, et il s'est dit, كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي, normalement je devais me préoccuper de ma femme et diminuer le nombre de mes soirées à l'extérieur, et surtout que ma femme est maintenant dans son neuvième mois de grossesse. Il l'a prise rapidement vers l'hôpital le plus proche, et sa femme est restée pendant plusieurs heures à souffrir. انتظر راشد طويلا, Rachid a attendu pendant très longtemps, mais l'accouchement était compliqué pour sa femme. Et à la fin, il s'est ennuyé, il était fatigué à cause de son attente. Il est parti chez lui, et il leur a laissé son numéro de téléphone afin qu'il lui annonce la bonne nouvelle. Moulahada, je fais une remarque. Lui, il a uniquement attendu et il est devenu fatigué. Que dire de sa femme? Qui a trop souffert, sa femme qui a trop souffert sans pouvoir accoucher. Combien sont très nombreux les hommes comme Rachid à notre époque. Après une heure, ils l'ont contacté. Ils lui ont annoncé la venue de son fils Salem. Il est parti très vite à l'hôpital. Et la femme docteur lui a parlé des épreuves, des malheurs et de la nécessité d'agréer son destin. Et par la suite, elle lui a dit « Waladuka bihi tashawwuh shadid fi 'aynayhi. Ton fils a une grande déformation dans les yeux. Wayabdu annahu faqid basar. Et apparemment, il sera privé de la vue. Il sera aveugle. » Tahayyal. الابن الاول اعمى. Imagine avec moi mon frère ou ma soeur, le fils aîné un aveugle. خفض راشد رأسه. Rachid a baissé sa tête. وهو يدافع دموعه. Il était en train de lutter contre ses larmes. وتذكر ذلك الاعمى الذي دفعه في السوق. Et automatiquement il s'est rappelé de cet aveugle qui l'a poussé, qui l'a fait tomber dans le marché. وسخر منه, et duquel il s'est moqué. وأضحك الناس عليه, et sur lequel il a fait rire tout le monde. Subhanallah. كما تدي تدان. Gloire et pureté à Dieu. Exactement comme tu fais, on te fait. بقي راشد صامتا لا يدري ما يقول. Et pendant un certain moment, Rachid a gardé le silence, il ne savait pas quoi dire. ثم تذكر زوجته وولده. Et après, il s'est rappelé de sa femme et de son fils. شكر راشد الطبيب على لطفها. Il a remercié la femme docteur pour sa gentillesse. وذهب ليرى زوجته. Et il est parti pour voir enfin sa femme. فلم يجدها حزينة مثله. Et il était surpris, il n'a pas trouvé sa femme triste comme lui. كانت مؤمنة راضية بقضاء الله. Plutôt, elle était croyante, elle a agréé la volonté et le destin de Dieu. ولكم نصحته في الماضي أن يكف عن الاستهزاء بالناس. Et combien de fois sa femme dans le passé lui a conseillé d'arrêter sa moquerie vis-à-vis des gens. كم قالت له يا راشد لا تغتب الناس. Combien de fois elle lui a dit, oh Rachid, ne te moque pas ou ne parle pas, ne médis pas les autres. خرج راشد وزوجته وسالم من المستشفى. Les trois, Rachid, sa femme et son fils Salem, ont quitté l'hôpital. وفي الحقيقة لم يهتم الأب راشد بابنه سالم كثيرا. Et en réalité, Rachid n'a pas donné une grande importance à son fils Salem. Il l'a considéré comme inexistant dans la maison. Lorsque son fils Salem pleurait trop, c'est-à-dire pendant la nuit, lui, il changeait de lieu, il allait vers la salle pour y dormir. فكانت تهتم بسالم وتحبه كثيرا. Tandis que l'épouse, elle aimait trop Salem et se préoccupait de lui. يقول راشد. Rachid dit, لم أكن أكرهه ولكن لم أستطع أن أحبه. أن أحبه. Rachid nous dit, je le détestais pas, mais non plus j'étais incapable de l'aimer. Mal ayam, avec les jours, kabura salim. Salim a grandi. وبدأ يحاول المشي بعد سنة. Il a essayé de marcher après un an. فاكتشف أنه أعرج. Et les deux parents ont découvert que leur fils Salem était, en plus d'être aveugle, il était boiteux. فأصبح ثقيلا على نفس أبيه أكثر وأكثر. Il est devenu plus lourd, insupportable chez son père. وأنجبت له زوجته بعد ذلك عمر وخالدا. Et par la suite, l'épouse de Rachid a donné naissance à deux fils, Omar et Khalid. ومرت السنوات وكبر سالم وكبر أخواه. Et les années sont passées et Salim, ses deux frères, ont grandi. ورشيد دائما لا يحب الجلوس في البيت. Et Rachid, toujours, il détestait rester chez lui, comme beaucoup de gens de nos jours. دائما مع أصحابه, toujours avec ses amis. Subhanallah. Il y a des gens qui se marient avec leurs amis et ne sont pas mariés avec leur femme. Subhanallah. في ناس تتزوج بأصدقائها وليست متزوجة بزوجتها. يقول راشد, Rachid disait, في الحقيقة كنت مثل اللعبة في أيديهم. Rachid dit, en réalité j'étais comme un jouet entre leurs mains, c'est-à-dire entre les mains de ses copains. وما أكثر الناس في زماننا مثل راشد. Et combien sont nombreux les hommes qui ressemblent à Rachid à notre époque. ودائما زوجته تدعو الله له بالهداية والصلاح. Et toujours son épouse faisait des prières en sa faveur, de bonne orientation et de vertu. وكانت تحزن لما ترى راشدا يهمل سالما ابنه الأعمى ويفضل أخواه. Et la femme s'attristait lorsqu'elle regardait que son mari Rachid négligeait l'aveugle Salem et préférait les deux autres. ومع الوقت سجلوا سالما في مدرسة خاصة بالمعوقين. Avec le temps, ils ont inscrit leur fils handicapé Salem dans une école spécialisée pour les handicapés. ومرت الأعوام متشابهة بالنسبة لراشد. Et les années passèrent et se ressemblaient pour Rachid. عمل, travail, نوم, sommeil, طعام, repas, وسهر, et soirée avec les copains. وفي يوم جمعة. Et un jour de vendredi, استيقظ راشد الساعة الحادية عشرة صباحا. Rachid s'est réveillé à 11h du matin. فقال ما يزال الوقت مبكرا بالنسبة لي. Il a dit, oh, je me suis levé un peu tôt. قال وكان مدعوا لوليمة. Il était invité à une fête, comme d'habitude. لبس وتعطر. Il s'est bien habillé et s'est parfumé et il a voulu sortir. Et lorsqu'il voulait sortir, il a repéré dans le salon son fils Salem en train de pleurer avec amertume. C'était la première fois où il a fait attention aux pleurs de son fils Salem depuis sa naissance. 10 ans sont passés. لم يلتفت إليه ولا مرة. Il ne s'est retourné même pas une fois à son fils pendant 10 ans. والآن لم يستطع أن يتجاهله. Et maintenant, il n'a pas pu l'ignorer. اقترب منه. Il s'est rapproché de lui. وقال له. Et lui dit, Salem, Salem. لماذا تبكي? Pourquoi pleures-tu? فتوقف سالم من البكاء. Et Salem a arrêté ses pleurs. فلما أحس بأبيه, lorsqu'il a ressenti son père proche de lui, حاول الابتعاد منه, عنه, il a essayé de s'en éloigner. وكأنه يقول, et comme s'il disait, الآن أحسست بي. أين كنت يا أبي منذ 10 سنوات. C'est maintenant que tu t'intéresses à moi. Où étais-tu depuis une dizaine d'années? دخل غرفته. Salem est entré dans sa chambre. فتبعه أبوه. Et son père l'a suivi. Et il a essayé d'être gentil, d'être doux avec son enfant pour la première fois. Pourquoi pleures-tu, ô Salem ? Et l'enfant Salem a donné cette réponse. Mon frère Omar a fait encore une autre fois du retard pour venir me chercher. Parce que c'est mon frère Omar qui m'accompagne à la mosquée. Parce qu'il s'agit de la prière du vendredi. Et j'ai peur de ne pas trouver une place dans la première rangée. Nadaytu Omar, j'ai appelé Omar, wa nadaytu ummi, et j'ai appelé ma mère, wa la mujib, et personne n'a répondu à mes appels, fabakaytu, et j'ai pleuré. Wa nadhara al-abu Rashid ila ad-dumu' tanzilu min 'aynayhi al-makfufatayn, et le père Rachid a vu, a observé les larmes qui coulaient dans un silence des yeux aveugles de son fils. Et il n'a pas pu supporter le reste des paroles de Salem. Il a posé sa main sur sa bouche et il lui dit, c'est pour ça que tu as pleuré au Salem. L'enfant a répondu oui. Nasiya Rashid ashabah. Rachid, à ce moment-là, il a oublié ses amis. Wa nasiya al-walim, et il a oublié la fête, le repas de la fête. Wa qala libnihi, et il a dit à son fils, Salim, la tahzan, Salem, ne t'attriste pas. Hal ta'lam man sayadhhabu bika al-yawma ila al-masjid? Sais-tu qui va t'accompagner aujourd'hui à la mosquée? Qala Salim, Salem a répondu, Naam, innahu akhi Omar, walakinahu yata'akharu da'iman. Oui, c'est mon frère Omar, mais toujours lui, il vient en retard. Faqala Rashid, et Rachid dit, La, ana alladhi sa'adhhabu bika. Non, c'est moi qui va te prendre aujourd'hui. Dahisha Salim wa lam yusaddiq. Salem était étonné et n'a pas cru. Il a cru que son père est en train de se moquer de lui comme d'habitude. Thumma baka. Et il a pleuré. Famasaha al-walidu dumu'ahu. Et le père a essuyé ses larmes. Wa amsaka yadahu as-saghira. Et il l'a saisi par sa petite main. Wa qala irkab as-sayyara. Et il lui a dit, monte avec moi dans la voiture. Faqala Salim, et Salem lui dit, Al masjidu qarib, wa uridu an akhtuwa ila baytillah. La mosquée est toute proche, et j'aime marcher à pied vers la maison de Dieu. Wa fil masjid, ahassa Rashid bil khawf wa nadam, ala ma farrata fil madi min sinina tawila. Et au sein de la mosquée, Rashid, pour la première fois, a ressenti la crainte, le regret pour ce qu'il a négligé dans le passé pendant plusieurs années. كان المسجد مليئا. La mosquée était pleine. ولكنه رغم ذلك وجد لسالم مكانا في الصف الأول. Et malgré cela, Rachid a trouvé une place pour son fils dans la première rangée. واستمع للخطبة. Ils ont écouté bien le prêche du vendredi, wa salla bi janibi ibnihi, et il a fait la prière pour la première fois à côté de son fils. Wa ba'da intihai as-salat talaba minhu Salim mushafan. Après la fin de la prière du vendredi, Salem a demandé à son père un mushaf, un livre de Coran. Fastaghraba Rashid. Rachid s'est étonné. Kayfa sayaqra wa huwa ahma? Comment peut-il lire, lui qui est aveugle? Fajamalahu khawfan min jurh mashaa'irihi, et il a fait la comédie devant lui pour ne pas blesser ses sentiments. Wa nawalahu mushafan, et il lui a donné un Coran. Fatalaba minhu Salim an yaftahahu ala surati al-kahf, et Salem a demandé à son père d'ouvrir le mushaf sur le chapitre de la caverne al-kahf. ثم أخذ المصحف et il a pris le مصحف وبدأ في قراءة الصورة et il a commencé à réciter le chapitre وعيناه مغمضتان avec ses yeux bien fermés يا الله إنه يحفظ سورة الكهف كاملة Oh mon Seigneur il a mémorisé dans sa totalité le chapitre de la caverne خجل راشد من نفسه Rachid, le père, a eu honte de lui-même. Il a senti un frisson. Et il a demandé à Dieu de lui pardonner et de le guider vers le chemin droit. Et par la suite, il n'a pas pu supporter. Et il a commencé à pleurer comme des enfants. Et soudain, il a senti une petite main qui touchait son visage et qui essuyait ses larmes, innahu salim, c'était Salem, son fils aveugle. Damma Rashidun Saliman ila sadrihi. Rashid a pris, a serré fort vers lui son fils aveugle Salem, wa nadhara ilayhi wa qala fi nafsihi. Et il l'a regardé et il s'est dit intérieurement, lest anta al-a'ma. Ce n'est pas toi l'aveugle, bal ana al-a'ma. Mais plutôt c'est moi l'aveugle. أنا الأعمى الذي انساق وراء فساق يجرونني إلى النار plutôt c'est moi l'aveugle qui a suivi des pervers, des dévergondés, des voyous qui m'attiraient ou qui me traînaient vers l'enfer. ثم عاد إلى البيت. Et par la suite, ils sont revenus tous les deux vers la maison. وكانت الزوجة قلقة على ابنها سالم. Et la mère était inquiète pour son fils Salem, elle ne savait pas avec qui il est parti à la mosquée. فلما رأت معه والده راشدا, et lorsqu'elle a repéré son père à côté de lui, وعلمت أنه صلى الجمعة, et elle a compris qu'il a fait la prière du vendredi مع ابنه à côté de son fils, تحول قلقها إلى دموع. Son inquiétude s'est transformée en larmes. ومن ذلك اليوم تغير راشد. Et à partir de ce jour, Rachid s'est transformé. Il a changé catégoriquement. الآن لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد. Maintenant, il ne rate plus aucune prière dans la mosquée. هجر رفقاء السوء. Il a abandonné la mauvaise fréquentation. أصبح له أصدقاء جدد صالحون من المسجد. Maintenant, il a de nouveaux amis vertueux de la mosquée. ضاق طعم الإيمان راشد. Rachid a goûté la douceur de la foi. ختم القرآن عدة مرات في شهر واحد. Il a bouclé plusieurs fois le Coran en un seul mois. اقترب أكثر من أسرته. Il s'est approché plus ou davantage de sa famille. وفرحت زوجته. Et sa femme est devenue joyeuse, contente. Et le sourire est revenu au visage du petit Salem. Et Salem est devenu comme un roi du monde. طلب من راشد أصحابه الصالحون السفر معهم لمنطقة بعيدة للدعوة إلى الله. Après quelques mois, les amis vertueux de Rachid lui ont demandé, l'ont invité à les accompagner vers une région lointaine afin d'appeler les gens à Dieu subhanahu wa ta'ala. Istashara zawjatahu li awwal marra. Et pour la première fois, il a demandé à sa femme son avis. Est-ce qu'il peut voyager ou pas? لأنه كان يسافر في الماضي من غير استشارتها. Parce que dans le passé, il faisait ses voyages sans demander l'avis de sa femme. وافقت الزوجة وشجعته. L'épouse était d'accord et même l'a encouragé. فودعهم. Il a fait les adieux. قبل سالما الذي ضمه بذراعيه الصغيرين. Il a embrassé Salem. Salem qui a pris son père et qui l'a serré vers lui avec ses petits bras. وغاب الأب ثلاثة أشهر ونصف. Et le père s'est absenté pendant 3 mois et demi. ثم رجع وقد اشتاق الى اسرته وخصوصا حبيبه سالما. Et après 3 mois et demi, le père est revenu en ayant hâte de voir sa famille et surtout son bien-aimé Salem. طرق الباب, il a toqué à la porte, وتمنى ان يفتح سالم, il a souhaité que c'est Salem qui va lui ouvrir. ففتح الباب ابنه خالد, et c'était son fils Khaled qui a ouvert la porte. عنده 4 سنوات, il avait 4 ans. حمله بين ذراعيه, il l'a pris sur ses bras, والقبض صدره, et son cœur s'est serré. فجاءت زوجته, sa femme est arrivée, قال لها اين سالم, et il a dit tout de suite à sa femme, où est Salem. خفضت رأسها, la femme a baissé sa tête, لم تجب, elle n'a pas répondu. سقطت دمعات حارة على خديها, quelques larmes chaleureuses sont tombées sur ses joues. فقال الأب أين سالم, et le père a dit où est Salem. فأجاب الطفل خالد, et c'était le petit Khaled qui a donné la réponse, بابا, père, Salem راح للجنة عند الله, Salem est parti au paradis auprès de Dieu. وعلم راشد فيما بعد أن ابنه سالما أصابته حمى أسبوعين قبل مجيئه. Par la suite, Rachid a appris que son fils Salem a été touché par une grippe 2 semaines avant son arrivée. فاشتدت عليه, et sa situation s'est compliquée. ولم تفارقه الحمى حتى فارقت روحه جسده, et la grippe ne l'a pas quitté que lorsque son âme a quitté son corps. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله, et à la fin je vous demande et je demande à moi-même la piété de Dieu. فاتقوا, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى, وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteurs de Dieu, نقف على بعض الدروس, لا كل الدروس, من قصة راشد وابنه الأعمى سالم. On va s'arrêter quelques moments devant quelques leçons tirées de l'histoire de Rachid et de son fils aveugle Salem. الدرس الأول, la première leçon, Rachid, الذي لم يكن أعمى لم يستطع رؤية الحق بعينيه. Rachid, qui n'était pas aveugle, qui possédait une vue grâce à ses yeux, n'a pas pu voir la vérité avec ses yeux. بل راى الحق بعيني ابنه الاعمى سالم. Plutôt, il a pu voir la vérité grâce aux yeux de son fils, les yeux de son fils aveugle. فاقد البصر قاد صاحب البصر. Celui qui est privé de la vue a pu guider celui qui jouissait de la vue. الاعمى قاد البصير. L'aveugle a guidé le voyant. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. وأنت أخي وأنت أختي, et toi frère ou sœur, هل أنت أعمى عن الحق أم أنت بصير. Es-tu aveugle vis-à-vis de la vérité ou bien es-tu quelqu'un qui voit. ثانياً, deuxièmement, أقول لكل من يعاني من قريب معوق. Je dis à toute personne qui souffre d'un proche handicapé, سواء المعنى الحقيقي لكلمة معوق أو المعنى المجازي, soit du mot propre ou la signification propre du mot handicapé ou bien la signification figurée ou le sens figuré. فالعاصي لله معوق Le pécheur vis-à-vis de Dieu, normalement, est un handicapé plus grave que l'handicap de l'aveuglement ou d'être boiteux. Tariq as-salah, fil haqiqa mu'awwaq. Celui qui ne fait pas la prière, qui a abandonné la prière, en réalité, c'est un vrai handicapé. Sahib al-mukhadirat, mu'awwaq. Celui qui consomme les drogues est un vrai handicapé. Je dis à toute personne qui souffre d'un proche handicapé, qui souffre de sa femme, min zawjiha, qui souffre de son mari, min ibnihi, qui souffre de son fils, min ibnatihi, qui souffre de sa fille, min abi, min ummi, min akhi, min ukhti, qui souffre de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur, ila akhire, etc. Aqulu lahu la tahzan, je lui dis, ne t'attriste pas, la tahmil alham, ne t'inquiète pas. Qul ya Allah, dis ô Allah, ô mon Seigneur, istamil al asbab al halal, utilise les moyens légaux, les moyens halal. Walakin idha fashilat al juhud wal mukhattatat, et si tous tes plans et tous tes efforts sont couronnés par l'échec, وقطعت امامك السبل والطرقات, et si devant toi tous les sentiers, toutes les rues sont barrées, واغلقت امامك الابواب والجهات, et si devant toi toutes les portes, toutes les directions sont fermées, وضاقت الارض وعظمت عليك السماوات, et si la terre est devenue pour toi toute petite malgré sa largesse, et les cieux sont devenus obscurs, فَلَا تَيْأَسْ, ne désespère surtout pas. استعمل سلاح الدعاء, utilise l'arme qui s'appelle l'invocation, الدعاء. قُلْ يَا اللَّهِ, dis, oh Allah, يَا اللَّهِ, يَا اللَّهِ, وَافْتَحْ أَبْوَابَ الدُّمُوعِ وَالْعَبَرَاتِ, et ouvre la porte des larmes, وَانْتَظِرْ نُزُولَ الرَّحَمَاتِ, et attends la descente des clémences. النقطة الثالثة, le troisième point, ربما هذا الشيء الذي تعاني منه يا أخي ويا أختي وتكرهه, il se peut que cette chose, frère ou sœur, dont tu souffres ou que tu détestes, وما هو إلا ابتلاء وامتحان, et ce n'est qu'un test pour toi, et ce n'est qu'une épreuve de la part de Dieu pour toi. لو أزال الله الحجب, dans le cas où Dieu élimine les voiles, la ra'ayta al-khayr kullahu fi, tu vas observer, tu vas voir tout le bien dans cette chose que tu détestes. La ra'aytahu rahma wa laysa 'adaban, tu vas voir que ce que tu détestes est une clémence pour toi et non pas une souffrance. Sallim amraka ila Allah, laisse ton destin entre les mains de Dieu. Innaka lasta wahdak amama al-mu'anat, tu n'es pas seul, frère ou sœur, devant la souffrance. Ma'aka Allah, يا avec toi Allah, معك الذي يمتحنك وهو أرحم الراحمين, يا à côté de toi celui qui t'éprouve, il est le meilleur des miséricordieux. فتوكل على الذي قال, remettons à celui qui a dit dans un verset, فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا, لا خيرا كثيرا, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, il se peut que vous détestiez quelque chose et que Dieu y fasse pour vous un grand bien. Walid Salim, le père de Salem détestait trop au début son fils Salem. Salim al-A'ma wal-A'raj, il détestait Salem, l'aveugle, le boiteux. Walakin Allah al-Hadi, mais Dieu, l'orientateur, le convertisseur, le guide, لم يخلق سالما المعوق للحياة, Dieu le Très-Haut, il n'a pas créé Salem, l'handicapé, pour la vie. بل خلقه لمهمة, il l'a créé pour une mission sur terre. تدوم عشر سنوات فقط, une mission qui va durer 10 ans. لقد أراد الله أن يهدي والد سالم, Dieu a voulu guider le père de Salem, ala yadi Salim, par le biais de Salem, qabla mauti Salim, avant la mort de Salim. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu. Wa rabi'an wa akhiran, le quatrième et dernier point, إياك والسخرية، إياك والشماتة أمام الآخرين، أمام آلام الآخرين. Frère ou sœur, méfie-toi de la moquerie. Méfie-toi de montrer ta jouissance vis-à-vis des malheurs des autres. فَإِنَّ الَّذِي ابْتَلَاهُمْ وَعَافَاكْ يَنْظُرُ إِلَيْكْ. Parce que celui qui les a éprouvés et il t'a épargné est en train de te voir. Méfie-toi, ne montre pas que tu te moques d'eux. Et Dieu est capable de t'éprouver exactement comme il l'a fait pour eux. Rachid, qui se moquait de l'aveugle, Dieu lui a donné son fils aîné en tant qu'aveugle. Et en plus d'aveugle, il a fait de lui un boiteux. Ya Rachid, oh Rachid, in kunta tashar min a'ma, dans le cas où tu te moques de l'une de mes créatures, d'un aveugle, faha huwa ibnuka al-awwal a'ma, voici ton fils aîné qui est aveugle, wa a'raj, et en plus il est boiteux, fasbir, supporte avec patience, warda bi qada'i Allah, et agrée le décret ou le destin de Dieu, wa hadha al-a'ma huwa alladhi sayunqiduka ya 'abdi min an-nar, et c'est cet aveugle qui va, mon serviteur, te sauver des flammes de l'enfer. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et salut sur lui dit, la tudhhir ash-shamatata li akhik, ne montre pas la jouissance devant le malheur de ton frère, parce que Dieu va lui accorder sa miséricorde, sa clémence, et va t'éprouver à sa place. Rawahu at-Tirmidhi, wa qala hadithun hasan, rapporté par l'imam Tirmidhi, qui l'a qualifié d'authentique. Aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، يا من لا إله إلا أنت، خلقتنا في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، وأعطيتنا السمع والبصر، يا رب لا تحرمنا البصيرة، يا رب لا تطمس بصيرتنا، لا تجعلنا من العميان، ليس عميان الأعين ولكن عميان القلوب. يا رب اجعل قلوبنا تبصر، تبصر نورك، تبصر رحمتك. يا رب املأ قلوبنا بحبك. يا رب لا تجعلنا من المتكبرين، لا تجعلنا من الجبارين. يا رب اجعلنا من عبادك المتواضعين، وارفعنا غدا يوم القيامة بتواضعنا إلى أعلى الدرجات في عليين. يا رب اجعلنا لك ولا تجعلنا لأنفسنا. يا رب اجعلنا من أحبابك ولا تجعلنا من أعدائك. يا رب، يا من لا إله إلا أنت، ارحمنا عند الابتلاء فإننا ضعفاء. يا رب لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا رب لا تجعل فتنتنا في زوجاتنا ولا في أولادنا ولا في الأزواج بالنسبة لأخواتنا ولا في أولادنا ولا بناتنا. يا رب ارحمنا على اجمعنا على كلمتك. يا رب وحد صفوفنا على كلمتك. يا رب لا راحم لنا سواك، فمنحنا رحمتك. يا رب صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك،